Les piliers de At-Tawhid, qui sont les piliers de La ilaha illallah. Définition de Ar-Rukna, pilier. C'est une exigence nécessaire qui doit être présente afin que la chose soit acceptée, car c'est la base sur laquelle on construit. La différence entre le pilier et la condition est que le pilier est interne et rien ne peut être valide sans celui-ci, alors que la condition est externe et rien ne peut être accepté sans celle-ci. Si tu sais, ô frère, ce qu'est le pilier, sache alors que At-Tawahid, qu'Allah t'a ordonné, comporte des piliers, tout comme la salat qui ne peut être valide sans ceci, comme Takbiratul Ihram, la prosternation, l'inclinaison, le dernier tashahhud entre autres. Si l'un d'entre eux venait à manquer, alors la salat ne serait pas valide. De la même façon, At-Tawahid comporte des piliers. Si le serviteur délaisse un de ces piliers, alors il ne sera pas monothéiste, et la parole « La ilaha illallah » ne lui sera d'aucune utilité. Les piliers du tawhid sont au nombre de deux. Le premier est le rejet de toute divinité. Le second, la foi en Allah unique. La preuve en est la parole du Très-Haut. Quiconque mécroit au tarout, tandis qu'il croit en Allah, saisit l'anse la plus solide qui ne peut se briser. Sourate 2, verset 256. Et l'anse la plus solide, c'est la parole « La ilaha illallah » qui est la parole de At-Tawhid. Muslim rapporte dans son sahih que l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Celui qui dit « La ilaha illallah » et mécroit en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, alors ses biens et son sang sont inviolables et son jugement revient à Allah. » Premier pilier « Al-Kufr bit-Tarut » La mécréance à At-Tarut. Et sache, frère, qu'Allah te guide vers la droiture, que le serviteur ne saurait être mouahid, monothéiste, sans mécroire à At-Tarut. Et il pourra y mécroire tant qu'il ne sait pas ce qu'est At-Tarut. Dans la langue arabe, le mot At-Tarut prend sa racine du mot tourienne, ce qui signifie transgresser, dépasser les limites. Allah a dit, c'est nous qui, quand l'eau déborda, vous avons chargé sur l'arche. Sourate 69, verset 11. C'est-à-dire, lorsque l'eau déborda et dépassant les limites en sortant de sa limite. Aussi dans le vocabulaire islamique, At-Tarut est quiconque dépasse ses limites, puis s'attribue à lui-même un droit exclusivement réservé à Allah et se place à l'égal d'Allah dans ce qu'il c'est réservé. Éclaircissons cette notion. La créature devient tarout si elle s'attribue une de ces trois choses. Si une créature s'attribue un acte émanant exclusivement d'Allah, tel que prétendre détenir le pouvoir de créer, de pouvoir au besoin, ou de légiférer entre autres, alors en faisant cela, elle devient tarout. Si une créature s'attribue une qualité exclusivement réservée à Allah, telle que prétendre connaître l'invisible, alors en faisant cela, elle devient tarout. Si une créature devient sujette à recevoir de la part des autres créatures une adoration parmi d'autres, telle que l'invocation, les vœux, l'immolation, ou le fait de demander justice, etc., alors, en approuvant cela, elle devient tarout. Il se peut que son silence et l'absence de blâme puissent être considérés comme une approbation, si elle ne désavoue pas et ne délaisse pas ses attributions. Dans ces trois points cités, nous nous apercevons que celui qui s'attribue l'un des deux devient tarout. L'imam Malik, rahimahullah, a donné une définition de at-tarout. Le tarout est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Ceci est une bonne définition générale, car elle englobe tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Parmi ces divinités considérées comme tawarit, on trouve les statues, Al-Asnam, les statues Al-Awthan, les idoles, comme les tombeaux, les pierres, les arbres, entre autres, parmi les choses inanimées. Les lois différentes de celles d'Allah qui règlent les litiges entre les gens, les juges qui jugent avec les lois différentes, Satan, les sorciers, les devins, ceux qui se prétendent connaître l'invisible, ceux qui sont adorés et satisfaits de l'être, ceux qui s'attribuent le droit de rendre halal licite, de rendre haram illicite, ou de légiférer. Tout cela sont des tawarit qu'il faut renier, désavouer, ainsi que ceux qui les adorent. Abdullah ibn Abd al-Rahman Ababatin rahmahullah a dit « Le résumé des paroles des savants et que le mot Tarout englobe toute chose adorée en dehors d'Allah. Et toute personne qui prend les devants dans l'égarement, qui prêche ce qui est faux en l'enjolivant. Cela rassemble aussi toute personne jugeant entre les gens avec les lois de l'ignorance, contredisant ainsi le jugement d'Allah et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il englobe aussi le devin et le sorcier et les serviteurs des sanctuaires et autres. Les tawarides principaux. L'imam Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah a dit: les tawarides sont nombreux et leurs principaux sont au nombre de 5. Premier, Satan, le prêcheur qui appelle à l'adoration d'autres qu'Allah. La preuve en est la parole du Très-Haut. Ne vous ai-je pas engagé, enfant d'Adam, à ne pas adorer le diable, car il est vraiment pour vous un ennemi déclaré. Sourate 36, verset 60. Second, le juge tyran qui modifie les lois divines. La preuve en est la parole du Très-Haut. N'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire à ce qu'on a fait descendre vers toi, prophète, et à ce qu'on a fait descendre avant toi? Ils veulent prendre pour juge le Tarout, alors que c'est en lui qu'on leur a commandé de ne pas croire. Sourate 4, verset 60. Troisième, celui qui juge avec autre que ce qu'Allah a révélé. Allah a dit: et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, les voilà les mécréants. Sourate 5, verset 44. Ce qui est visé par le shirk ici, c'est le juge qui juge avec la législation de celui qui l'a modifié. Quatrième, celui qui prétend connaître l'invisible en dehors d'Allah. Allah a dit: c'est lui qui détient les clés de l'inconnaissable. Nul autre que lui ne les connaît. Sourate 6, verset 59. Cinquième, celui qui est adoré en dehors d'Allah, tout en étant satisfait. La preuve en est la parole du Très-Haut. Et quiconque d'entre eux dirait: je suis une divinité en dehors de lui, nous le rétribuerons de l'enfer. C'est ainsi que nous rétribuons les injustes. Sourate 21, verset 29. Et il a dit aussi concernant le verset: et qu'il n'associe dans son adoration aucun autre à son Seigneur. Sourate 18, verset 110. Sache qu'Allah te fasse miséricorde, que celui qui connaît bien ce verset, une connaissance qui est profitable, c'est celui qui arrive à différencier parfaitement entre le tawhid al-rububiyya et celui de l'uluhiyya, et qui connaît bien la situation actuelle de la plupart des gens qui est. Soit des tawarites, pire que les associateurs, qui s'attribuent à Rububiya. Soit des suiveurs, approbateurs de tawarites. Soit celui qui doute et est ignorant de ce que Allah a fait descendre sur son messager et qui ne fait pas la différence entre la religion du prophète sallallahu alayhi wa sallam et celle des chrétiens. Comment mécroire à At-Tarut? Et sache mon frère, qu'Allah illumine ton cœur, que mécroire à At-Tarut se manifeste par l'accomplissement de 5 choses. 1. La conviction de la nullité de l'adoration du Tarut. Al-i'tiqad bi-butlani 'ibadati At-Tarut. Le Très-Haut a dit: il en est ainsi parce qu'Allah est la vérité et que tout ce qu'ils invoquent en dehors de lui est le faux et qu'Allah, c'est lui le haut, le grand. Sourate 31, verset 30. 2. Le délaissement ainsi que l'éloignement. At-Tark wal-Ijtinab. C'est-à-dire délaisser l'adoration de At-Tarut. Allah a dit: nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire: adorez Allah et écartez-vous du Tarut. Sourate 16, verset 36. Et le Très-Haut dit encore: abstenez-vous de la souillure des idoles et abstenez-vous des paroles mensongères. Sourate 22, verset 30. Et sache frère qu'Allah te guide que parmi les adorations de At-Tarut et des idoles, on trouve la demande de leur jugement, l'imploration de leur secours, les vœux auprès d'eux. Al-Hafid ibn Kathir, rahimahullah, a dit dans son tafsir: At-Tarut, c'est Satan, et ceci regroupe tous les maux que les gens de la Jahiliyyah portaient dans l'adoration des idoles et la demande de leur jugement ou l'imploration de leur secours. Tafsir Ibn Kathir, sourate 2, verset 256. Il faut savoir aux frères musulmans que le délaissement ici s'opère à 3 niveaux. Délaissement par le cœur, délaissement par les paroles, délaissement par les actes. On ne peut dire d'une personne qu'elle a délaissé At-Tarut et s'en est écartée tant que le délaissement ne s'opère pas à ces 3 niveaux. En effet, parmi les gens, il en est qui délaissent At-Tarut par la parole et les actes.